إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، donc avant toute chose et avant de commencer notre livre qui s'intitule الحجج القوية بأن وصل الدعوة التوقيفية du Cheikh عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc les preuves fortes qui démontrent que les moyens de la prêche sont donc déterminés, donc tawqifiyah dans le sens où elles sont basées à travers le Coran et la Sunna à la fermée salaf hadil umma. Et bien sûr, avant cela, donc nous allons, même si cela, donc a déjà été fait, donc nous souvenir que Fadilat al-Sheikh al-Allama Zayd al-Matkhali rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a qad mat, donc notre grand Sheikh, le grand savant Mufti du Sud de l'Arabie Saoudite, Mufti Jizan al-Sheikh Zayd rahmatullah alayhi, donc est mort il y a 3 jours de cela, rahmatullah rahmatan wasi'a. Et cela, donc, nous ramène à nous souvenir que chacun d'entre nous, donc, va trouver la mort. Et ne lui restera que ce qu'il aura œuvré dans la vie d'ici-bas. Et nous avons bien vu que Sheikh Rahmatullah Ali, Rahmatullah Wasi'a, a laissé près de 60 ouvrages, sans compter, bien sûr, les innombrables audios, Hafzallah Azza wa Jal, Rahmatullah Ali, Rahmatullah Wasi'a. Donc c'était une école à lui tout seul, rahmallah. Donc cette école qui a été donc basée et bâtie par le grand savant Abdallah al-Qara'awi, rahmallah ta'ala. Et de nombreux élèves sont sortis de cette grande école. Donc cette école qui est très importante et qui était bâtie bi Allah azza wa jal. Donc par le fait d'appeler à l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et aussi donc de réprimander et dénigrer et combattre le shirk ainsi que la bid'a et le fisq. Et nous avons vu donc de cette école donc sont sortis des grands imams comme Sheikh Hafid al-Hakami rahmallah, ainsi que Sheikh Ahmed al-Najmi, Yahya al-Najmi rahmallah, ainsi que Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafzallah azza wa jal, كذلك محمد بن هادي المدخلي et d'autres encore. Nous voyons ici maintenant, si quelqu'un devait écouter donc les audios de ceux qui y restent parmi les grands élèves de Sheikh Zayd ou de Sheikh Najmi rahmallah, donc comme Abdallah Najmi hafdallah, et je vous conseille vivement d'écouter donc son audio de Arba'in Nawawi, les 40 hadiths de Nawawi, et vous allez voir ici une personne qui a réellement été éduquée par les grands savants donc de cette école, qui était très aimé, donc cet endroit-là qui était très aimé de tous les élèves donc dans l'Arabie Saoudite, que ce soit de Riyad ou que ce soit de Médine, que ce soit même du Yémen ou d'ailleurs. C'était donc une école très très recommandée. Il y avait beaucoup de bénéfices dans le fait d'apprendre chez ce genre, chez cette catégorie de grands savants. Rahmatullah, rahmatullah wasi'a. Donc avant tout cela, On a vu ici, donc, comme on l'a dit, les œuvres, même si donc l'école en elle-même ne comptait pas énormément d'élèves, sûrement du fait de sa situation géographique. Et Cheikh Ibn Baz, rahmallah, donc mentionne, lorsqu'il parle donc justement du fait de ne pas être leurré, donc de ne pas être leurré par le petit nombre de ceux qui suivent donc la vérité, ou plutôt ne pas être leurré par le grand nombre, afwan, de ceux qui suivent le faux, et de ne pas délaisser la vérité, car peu de gens donc maintiennent cette vérité et sont sur la voie de cette vérité. Et cela nous amène à nous souvenir et à voir autour de nous, et spécialement ici en France, que des fois des gens donc ouvrent certaines écoles et ont du monde. Cela ne, donc, ne signifie pas que ces gens-là sont sur la vérité dans ce qu'ils font ou dans comment ils gèrent. Il suffit de voir, donc justement, si ces gens-là sont sur la voie des plus prédécesseurs, sont sur la voie des grands savants de cette communauté, de cette époque, pour savoir s'ils sont aussi donc sur la vérité. Il suffit tout simplement de comparer et de voir. Sachez que les écoles, comme celle de Mohammed ibn Ibrahim, rahmallah, à l'époque où il y avait pas ou peu d'argent en Arabie Saoudite, on sont sortis de cette école les grands savants comme Cheikh Ibn Baz, rahmallah, comme Cheikh Fawzan, rahmallah, comme Abdelrazak Al-Afifi et d'autres encore. Et c'était une petite mosquée. Vous voyez que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahmallah, a enseigné dans une petite mosquée. Et à l'époque où l'argent donc n'était pas abondant, il recevait donc en paye des dattes. Il recevait en paye donc des dattes. Et ça ne les a pas empêchés d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Ils ont appris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Et voyez comment ils sont devenus. Voyez comment ils sont devenus. Ce sont eux qui ont, Inna Azza wa Jal, illuminé donc cette communauté en nous enseignant le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et leur sincérité et leur science ont été prouvées, bi'idhnillah azza wa jal, ont été prouvées par le fait de voir, donc justement, cette baraka, cette bénédiction dans ce qu'ils ont enseigné, dans ce qu'ils ont propagé. Il était pareil pour les écoles, donc, du Sud, lorsque l'imam Al-Qarawi, rahmallah, donc décida de donner donc mukafa'a, c'est-à-dire un petit salaire aux étudiants, de leur donner un peu d'argent. Cheikh Nejmi, rahmatullah alayhi, avec les tollabs de son époque, ont vérifié et ont recherché donc toute la nuit. Pendant toute la nuit, ils ont recherché est-ce qu'il leur était permis de prendre cet argent ou pas. Et ouais. Donc, sachez que Dawa, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, est faite exclusivement, donc, de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et du suivi exclusif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où le fait que j'ai voulu, donc, ici, justement, revenir à ce livre du Cheikh Abdessalam Ben Barjès, rahmatullah alayhi. Donc ce cheikh qui est mort il y a à peu près une dizaine d'années, jeune, donc en bas âge, rahmallah, donc il était jeune. Et c'était aussi donc celui qui enseignait aux juges. Donc c'est lui qui donnait, il donnait des cours donc dans la grande assise pour enseigner justement à ceux qui veulent devenir juges. Il y a eu donc l'obsession, donc rahmallah, il était connu pour sa science. Il était connu pour son suivi de la Sunna, rahmatullah alayhi. Et les grands savants de Riyad, donc il était proche d'eux, les grands savants de Riyad, donc l'ont mentionné en bien. Et parmi eux, Cheikh Al-Atram et d'autres encore, rahmatullah alayhi, rahmatullah. Donc le livre s'intitule Al-Hujjatu Al-Hujjaju Al-Qawiyya ala anna wasal al-da'wa tawqifiyya. Awalan, premièrement, الدعوة عبادة L'appel à Allah est une adoration. Da'watu ila Allah ta'ala ibadatun 'azima. Amara Allah biha wa hatha 'alayha wa ja'ala ahlaha ahsana an-nas qawlan wa afdalahum 'amalan. Wa qala ta'ala: wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila as-salihah wa qala innani min al-muslimin. Sourate Fussilat, ayat 33. L'appel à Allah est une grande adoration. Allah nous y a ordonné. Et il nous incite à cela. Et à considérer donc les prêcheurs à Allah Azza wa Jal comme ceux qui prononcent et propagent la meilleure parole. Et sont ceux qui disent les meilleures paroles. Et Allah dit: et que de meilleures paroles que celui qui appelle Allah et fait de bonnes œuvres et dit: certes, je fais partie des musulmans. Wal ma'na, le sens de ce verset: la ahada ahsan qawlan minhu li kawnihi da'a ila Allah wa 'amila biha wa 'amila bima yad'u ilayhi wa sarraha bima huwa 'alayhi falam yakhjal bal qala innani min al-muslimin. Le sens est que personne donc ne prononce de meilleures paroles que lui, car il appelle à Allah et il met en œuvre cela et il incite les gens et invite les gens à cela. Et il le dit explicitement. Il n'a pas peur. Il le dit explicitement, il n'a pas peur. Il dit bien: certes, je suis parmi, je fais partie des musulmans. Donc il n'a pas peur de dire la vérité. Il n'a pas peur de dire la vérité, quoi qu'il en soit. Voilà, gourour. Il n'y a que da'i, il a hadi al-manzila. Donc il n'y a que da'i, il a hadi al-manzila. Fahwa ahadu warthat al-anbiya. في وظائفهم فإن وظيفتهم الدعوة إلى الله تعالى كما قال تعالى لخاتمهم وإمامهم قل هذه السبيل أدعو إلى الله أن على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Et cela n'est pas de l'avantardise que Da'i, donc soit le prêcheur, celui qui appelle Allah, soit élevé et prend donc cette place qui est noble, car il fait partie et il est d'un de ceux qui ont reçu l'héritage des envoyés d'Allah alayhim salatu wassalam dans leur fonction, et que la fonction du prêche à Allah Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal dit lorsqu'il mentionne le sceau des prophètes et l'imam des prophètes, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit: celle-ci est ma voix, j'appelle Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et gloire à Allah, je ne fais pas partie des polythéistes. فقوله ومن اتبعني عطف على الضمير في أدعو إلى الله ففيها دليل على أن اتباعه صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله تعالى. Donc ici ومن اتبعني et ceux qui me suivent, donc cela a été lié avec j'appelle Allah, et cela est une preuve que ceux qui le suivent, ce sont eux réellement ceux qui appellent Allah Ta'ala. Qala Ibn Kathir rahmallah, yaqulu Allah Ta'ala li rasulih sallallahu alayhi wa sallam amiran lahu an yukhbir an-nas anna hadhihi sabilahu. Ay tariqatahu wa sunnatahu wa hiya ad-da'watu ila shahadati an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان. الإمام ابن كثير رحمه الله dit Allah subhanahu wa ta'ala dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam en lui ordonnant d'annoncer aux gens que celle-ci est sa voix, c'est-à-dire sa façon de faire, et donc sa tariqa, sa sunna, donc sa façon de faire, son procédé. Et c'est l'appel à attester qu'il n'y a de divinité, donc digne d'être adoré, sauf Allah Azza wa Jal, sans associé. Et il appelle Allah à travers cela avec clairvoyance dans cela, et certitude, et aussi avec les preuves. Vous voyez bien ici, clairvoyance, certitude et preuve. وَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَهُ يَدْعُ إِلَى مَا دَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ وَبُرْهَانٍ مِنْ عَقْلٍ وَالشَّرْعِ. Donc cela est donc pour toute personne qui appelle, donc de cette toute personne qui le suit, donc c'est celui qui appelle à ce dont il a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec clairvoyance, certitude et preuve. Donc raisonnable, hein, de raison et aussi bien sûr donc religieuse. Intaha kalamuhu, dans Tafsir Ibn Kathir 2.496. وقد أوجب الله سبحانه أن يكون في هذه الأمة طائفة تدعو إلى الله تعالى فترشد الناس إلى الخير وتأمرهم به وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le fait qu'il y ait dans cette communauté un groupe qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala et qui les guide les gens vers le bien, leur montre le bien et leur ordonne cela et les prévient contre le mal et leur a interdit cela. Car la da'wah, malheureusement, beaucoup de gens ont oublié une certaine partie de cette dawa. Ils ont oublié donc notre deuxième moitié. C'est qu'on ordonne les gens le bien, mais aussi on provient contre le mal et ces gens. Et on provient contre le mal et on leur interdit ce mal. قال الله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surat Al-Imran, l'ayah 104. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction relative, qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien et qui recommande le bien et interdise le mal. Ce sont eux les heureux gagnants. Ce sont eux justement donc les gagnants. وقال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. سوره النحل الايه 125. الله dit subhanahu wa ta'ala et appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et donc discute avec eux de la façon, de la meilleure façon. Discute avec eux de la meilleure façon. واعتمادا على هذه الآية الكريمة صرح العلماء رحمهم الله تعالى بأن الدعوة الله تعالى فرض كفاية يجب على طائفة من المسلمين القيام بها في كل زمان ومكان فإن لم يقم بها أحد منهم أثموا جميعا. En se basant sur ces nobles versets, les ulama, donc, ont conclut en prononcé, rahmahumullah, le fait que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala est donc d'ordre kfar kifai, c'est-à-dire que c'est une obligation, donc partielle dans le sens où c'est une obligation pour tant que personne ne le fait, donc c'est une obligation pour tout le monde. Et dès que certaines personnes de la communauté, donc une ou certaines personnes de la communauté viendraient à faire cela, donc à mettre en œuvre ce qui est fard kifay, donc bien sûr, donc le péché tombera sur le reste de la communauté. Donc c'est une obligation, mais pas pour toute la communauté. Une fois que cela est fait. Et il est obligatoire pour un groupe des musulmans, une partie des musulmans, donc de mettre en œuvre cela et de mettre en pratique cela, c'est-à-dire d'appeler Allah Azza wa Jal, en tout temps et aussi dans tous les endroits. Donc en tout temps et partout. Tandis que si personne ne faisait cela, donc tout le monde serait dans le péché. Tout le monde serait dans le péché. Et cela a été rapporté, bien sûr, par, donc il suffit de revenir à Majma' al-Fatawa de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahullah, tome 15, 165. وَلَقَدْ رَتَّبَ الشَّارِعُ لِمَنْ قَامَ بِهَذَا الْأَمْرَ ثَوَابًا عَظِيمًا وَأَجْرًا جَزِيلًا. Et le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, offre en récompense, donc donne pour celui qui donc met cela en pratique et œuvre dans ce sens, donc lui donnera une énorme récompense, un grand don, une énorme récompense. Prophète Sahihain, min hadithi Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal li Ali radiallahu anhu, wallah, لَيْنْ يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ. Et il est mentionné dans Al-Bukhari Muslim où Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali: par Allah, si Allah guide par ton billet un seul homme, est bien meilleur pour toi que la chamelle rousse, c'est-à-dire que la meilleure des montures est la plus chère. حمر النعم هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. شرح مسلم للنووي 15178. Donc, Humr Na'am, c'est bien sûr donc la chamelle rousse, et c'est le meilleur des gains, c'est le meilleur des biens chez les Arabes, et ils le prennent ce bien-là en exemple, pour parler de quelque chose de très cher, de quelque chose de très, très important, et qu'il n'y a pas meilleur que cela. Revenez à Sharh Muslim de l'imam al-Nawawi, 15178. وفي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. Il est mentionné dans l'authentique de Muslim où Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dit: celui qui appelle à une guidée aura la récompense équivalente à la récompense que ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire qu'ils ont accepté et mis en pratique cela, sans que cela ne lui soit, donc sans que cela ne leur soit diminué en quoi que ce soit. Et celui qui appelle à un égarement, il aura sur lui le péché équivalent au péché de ceux qui le suivent, sans que cela ne leur soit diminué en quoi que ce soit. Et ouais. Donc cela devrait donc faire réfléchir en réalité les du'at, ceux qui donc appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, ou ceux qui se sont attribués même faussement, donc et se sont habillés faussement de l'habit de du'at. On fait Sahih Muslim, et dans l'authentique de Muslim aïda, an Abi Mas'oud الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Donc il est aussi mentionné dans l'authentique de Muslim où Abu Mas'ud al-Ansari dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui montre un bien aura la récompense de celui qui le fait, donc de celui qui met en pratique ce bien là. فليستبق المسلمون الى هذا الفضل. Donc le musulman se concurrence pour ce bien-là, envers, donc pour mettre en pratique ce bien-là. وليغتنموا هذا الثواب, et qu'il recherche donc cette récompense, qu'il profite de pouvoir acquérir cette récompense. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, et dans cela que ceux qui concurrencent donc le fassent réellement, ceux qui les concurrents, donc ils devraient s'empresser à se concurrencer pour cela. وَمِمَّا لَا يَخْفَ عَلَى ذِي عَقْلٍ وَبَصِيرَةٍ شِدَّةُ حَاجَةِ الْأُمَّةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَخَصَّةً فِي زَمَانِنَا وَخَصَّةً فِي زَمَانِنَا إِلَى الدُّعَاةِ الصَّالِحِينَ الْمُصْلِحِينَ. Et là où donc cela n'est pas caché pour celui qui est doué de raison et de clairvoyance, que la communauté a fortement besoin en tout temps et spécifiquement dans notre époque de gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, salihin al-muslihin, donc des personnes qui réforment, donc qui sont pieux et réformateurs. Ce sont des personnes pieuses et réformatrices. An-nasihin, al-mushfiqin, ils conseillent et ils sont compatissants. Wa dhalika lima lamma hadi al-umma min al-ghurur aw min al-ghazwi al-khariji afwan min al-ghazwi al-khariji li afkariha. Surtout donc du fait que la communauté a été touchée, donc et souffre donc de ces attaques extérieures, donc envers la communauté, les attaques extérieures dans l'afkar, les idées reçues et les pensées. Wa aqaidiha, ainsi que dans leurs dogmes, leurs croyances. Wa akhlaqiha, dans leur comportement. Bima alqahu fi awsatiha min fitnati ash-shahawat wa ash-shubuhat. Et cela, donc ils ont réussi à introduire et à propager au sein de la communauté musulmane, donc justement, donc toutes sortes de perversions parmi shahawat, donc les passions, ou shubuhat, les ambiguïtés. Fa yajdiru bil muslimin khususan al ulama minhum wa talabat al ilm atasaddi li hadhihi al shurur. Donc il faut aux musulmans, il est demandé, fortement demandé aux musulmans, et spécifiquement les savants de parmi eux, ainsi que les étudiants en religion, de barrer la route à ces maux, walqada alayha, et d'exterminer, de détruire ces maux-là. Kullun hasaba taqatihi wa wus'ihi. Chacun, bien sûr, selon sa capacité et aussi, bien sûr, ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il peut donc amener pour arrêter cela. Wallahu la yadi'u ajra al-muhsinin. Wallahu la yadi'u ajra al-muhsinin. Et Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَنَاجَ الْمُجْتَمَعَ وَإِنْ تَرَكُوا ذَلِكَ جَمِيعًا آثَمُ وَبِقَدْرِ الْتَقْصِيرِ فِي ذَلِكَ يَحِلُّ الْبَلَاءُ وَيَسْتَشْرِي الدَّاءُ. Donc s'ils font cela, la communauté bidinah sera sauvée. Et s'ils délaissent cela, tous comme ils sont, ils seront dans le péché. Hein, selon le manquement qu'il y a dans cela. Et on verra donc le mal, el-bala, se propager toutes ces épreuves, ces mauvaises épreuves qui toucheront donc la communauté. Et les maux seront propagés. Et cela me rappelle donc une parole de Cheikh Soubey, rahmatullah alayhi, lorsque Cheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, Hafdallah Ta'ala, a montré les égarements de cette Qutub. Donc, les égarements de cette Qutub qui ont été propagés et qui ont été donc suivis non seulement par énormément de gens qui se disent de gens de la Sunna du consensus, mais aussi chez les Shias. Donc, cette Qutub, Cheikh Rabi Hafdallah Ta'ala, a démontré les égarements de cette Qutub dans tous les domaines où il a écrit, que ce soit dans le tafsir, que ce soit dans son ménage, que ce soit dans énormément de choses. Et Cheikh Soubey, rahmatullah alayhi, rahmatullah wasi'a, donc l'imam du Haram al-Makki, a dit que si il n'y avait pas eu donc Cheikh Rabi'a pour nous montrer donc les erreurs de cette Qutub, nous aurions été donc tous dans le péché. Tous dans le péché. Et cela est conforme à ce qu'on vient de lire ici. Donc on a terminé pour ce qui est donc de ce passage de ce livre. Donc afin de pouvoir démarrer un autre, donc on a commencé par le premier chapitre et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah Azzawajal, dans le deuxième chapitre. Et aussi donc il y a une bonne annonce du fait que Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali, Hafdallah Ta'ala, donc aille au Maroc, à Nador, si je me trompe pas, donc du 18 au 24, donc 6 jours-ci. Alhamdoulilah, il est très facile pour celui qui vit chez nous en France, en Belgique ou dans les pays francophones de façon générale, d'aller au Maroc. On a vu que le programme était excellent et c'est une occasion pour les gens donc d'aller profiter donc de cet imam. Cheikh Mohamed Ben Hadi, Al-Madkhali, Hafdallah Ta'ala. Et donc, son parcours est connu, Hafdallah Ta'ala. Donc, il a bien sûr appris et enseigné chez ses chouyours, parmi eux, Cheikh Nejmi, Rahmatullah Ali, Cheikh Zayd, Al-Madkhali, Rahmatullah Ali, avant d'aller à Riyad. Et il est resté 5 ans à Riyad. Il a bien sûr étudié chez les grands savants. Donc, matin et soir, pendant les 5 ans, chez Cheikh Ibn Baz, Rahmatullah. Chez Cheikh Atram, rahmatullah alayhi. Donc, l'azam al-ulama, ne serait-ce qu'il soit connu et différencié des autres tullab chez les grands savants qui ont dit du bien de lui. Puis après cela, il est venu à Médine. Donc, il est venu après cela, à Médine, où il vit encore. Et Cheikh Hamad al-Ansari, rahmatullah, donc, a dit de lui que ici, vous avez en lui un futur grand savant. Et ça, c'est une tazkiya de Cheikh Hamad al-Ansari, rahmatullah alayhi. Et aussi, le tazkiya aussi de Cheikh Mohamed Aman, Al-Jami, rahmatullah alayhi. Lorsque Cheikh Mohamed a demandé d'étudier chez lui, il lui a dit, tu as étudié chez les grands savants, pourquoi tu veux étudier chez moi? Rahmatullah alayhi, rahmatullah wasi'a. Ainsi que beaucoup de mashir, qu'ils soient plus âgés que lui, ou ceux qui sont de son âge, disent que c'est une mawsi'a. Donc c'était vraiment une encyclopédie. Et ceux qui connaissent Cheikh, donc savent comment il est, donc dans tous les domaines de la science. Sages, ils savent bien que dans Tawhid, et aussi dans le fiqh, dans le hadith, dans l'usul. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des bases, donc des bagages religieux qui sont très importants. Il faut profiter de baqiya salaf, donc des peu hein, des peu de personnes qui sont justement dans la vérité, dans la voie de la sunna et du consensus. Et bien sûr, donc s'il est fortement critiqué, spécialement chez les gens de la bid'a, malheureusement qui ont été touchés maintenant, alors, parmi ceux de la France, donc les gens de la bid'a de la France, bien sûr, vont le critiquer juste par haine et par jalousie. Mais ces gens-là, donc, ne sont loin de savoir donc ce qu'ils font comme mal. Ils sont loin de savoir ce qu'ils font comme mal du fait qu'ils sont égarés. Et c'est ce qui fait que la différence justement entre les gens de la bida qui donc non seulement enseignent de la mauvaise façon, même s'ils prétendent suivre les grands ulama, au moins on aurait préféré d'eux qu'ils traduisent ce que les grands ulama ont fait, cela aurait été un bien pour eux, plutôt que de partir dans des sujets qui les dépassent. Ils sautent d'un sujet à un autre. Donc ces gens-là, lorsqu'on voit leur cursus, c'est-à-dire les douloureux qu'ils font depuis quelques années, on voit que c'est toujours des sujets à des autres. Hein. Si on les compare, ne serait-ce qu'avec un de nos frères, hein, comme Abdelmek Français par exemple, il comprend le cursus de Abdelmek Français dans ce qu'il a enseigné comme durus, hein, donc le fait d'avoir traduit beaucoup de livres de Cheikh Al-Abbès, Hafzallah, d'avoir traduit beaucoup de livres donc de Cheikh Saadi ou d'autres, de Cheikh Hafez Al-Hakami, on voit donc aussi la lignée. Et ouais, souvent, lorsqu'on mentionne les ulama, à la star par exemple donc de Cheikh Zayd Rahmoullah, donc les ulama mentionnent, il a laissé comme héritage tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. Et c'est pareil pour celui qui fait dawa en France ou ailleurs. C'est-à-dire que dans le sens où lorsqu'il va mourir, il va laisser un héritage. Et je pense que l'héritage d'Abdoumik est bien plus important. C'est à titre d'exemple, il y a d'autres, alhamdoulilah, il est bien plus important et bien meilleur que celui qui saute d'un sujet à un autre, justement pour ramener à des khilafats et diviser la communauté et ne ramener aucun résultat. Là, c'est l'akhida. Ils n'y hassalou. Ni dans le tawhid, hassalou. Au point où ils sont arrivés à critiquer tout le monde dans leur zone bilja et l'akhiri, à commettre des dégâts, alors que les ulama ont interdit cela. Et parmi eux, récemment, Cheikh Fawzan et Cheikh Souhaimi. Et eux, maintenant, ils sont devenus masakin à suivre donc quelqu'un d'autre qui est en contradiction avec eux-mêmes, donc comme Cheikh Djarbour, par exemple, Abdallah Djarbour, qui ne fait pas partie donc des savants connus et reconnus, quoi qu'il en soit. Et ils amènent maintenant à égarer les gens, aywa, à égarer les gens, à faire imtihan an-nas obligatoire et à ne pas prier derrière les gens. Donc ils vont arriver justement à des résultats, à diviser comme ça donc la communauté dans ces sujets-là, alors que les ulama leur interdisent de faire cela. Ils sont arrivés à critiquer Shir al-Luhaydan, il se contredit. Ils sont arrivés à critiquer Shir Ibn al-Taymin aussi, il se contredit. Et à ce moment-là, donc les gens doivent faire attention à ce mal qui se propage, donc de la part de certains frères, radhiallahu. Et si ces gens-là réellement sont dans la vérité, marhaba, qui montrent tout ce qu'ils ont à dire devant Cheikh Souhaimi, devant Cheikh Abdel Mohsen Abed, du fait qu'on sait très bien que Cheikh Fawzan ne va pas accueillir ces gens-là. Ils font souvent cri, ils crient, venez, on va voir Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan, il n'ouvre pas la porte à cela. Donc n'endormez pas les gens. Et si vous venez à Omra, vous ne pouvez pas la riad, premièrement. Peut-être qu'on pourrait, c'est-à-dire par l'intermédiaire du fils de Cheikh Louhaydan, d'aller sûrement peut-être voir Cheikh Louhaydan. Mais ça ne vous intéresse pas parce que comme vous l'avez déjà critiqué, vous avez déjà critiqué Cheikh Louhaydan en disant qu'il se contredit. Aïwa. Et cela donc existe bien chez nous dans le Nord, à Tourcoing. Vous savez très bien qui à Tourcoing, donc c'est bien Abbès, qui à Tourcoing donc a amené donc ces mots-là. Et à diviser les gens en cela, dans cela. Donc, si vraiment vous êtes dans la vérité, comme il s'agit de tawhid, il s'agit de choses graves, il s'agit soi-disant de rendre tout le monde murji, venez voir Cheikh Salah Souhaimi, dont vous utilisez quand vous voulez, ou bien venez voir aussi Cheikh Abdel Marcel Abed, et on voudrait bien donc voir ça. Donc, celui qui est capable de venir, qu'il vienne, moi je suis prêt à aller avec lui et profiter que s'il a raison, on va le suivre. Si les machaires prouvent qu'ils ont raison dans cela, on va vous suivre. Sinon, taisez-vous. Mais ne venez pas en vérité diviser la communauté, diviser les salafis avec ces sujets-là dont vous dites et vous cachez. Le problème, c'est que vous faites une da'wa, c'est ria. C'est que vous cachez des choses. Et vous venez par étape, étape par étape, pour arriver à la fin à rendre mécréants certains. Et lorsque certains ont dit, comme quoi que vous êtes arrivé au Tekfir, en ce moment vous dites non. En ce moment-là, nous ne sommes pas arrivés au Tekfir. Mais simplement, vous êtes de grands mubtada', des dal, mundil, fossaq, tout cela. Et cela, subhanallah, n'a jamais été donc mentionné chez les grands savants. Jamais les grands savants se sont divisés pour cela, dans le sens où ils se sont donc rendus mubtada' les uns les autres. Vous connaissez la dernière parole de Cheikh Souhaimi par rapport à Cheikh Albani, la parole aussi de Cheikh Fawzan par rapport à Cheikh Albani, par rapport à cela. Et simplement, si vous avez des choses à le dire, faut le dire clairement. Il faut venir s'asseoir devant les ulama et ne pas vous propager tout ce que vous voulez à la communauté et après diviser la communauté. Si c'est clair que vous avez raison, à ce moment-là, il sera obligatoire pour les musulmans de suivre donc cette vérité. Sinon, donc taisez-vous. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.